Merz espère un cessez-le-feu permanent entre la Russie et l'Ukraine. Le chancelier allemand Friedrich Merz a exprimé l'espoir qu'un accord sur un cessez-le-feu permanent entre la Russie et l'Ukraine puisse être conclu prochainement. Il a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse à l'issue de ses entretiens avec le président français Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée. J'espère sincèrement qu'après les fêtes, nous aurons l'opportunité de parvenir à un cessez-le-feu puis à des négociations de paix qui pourraient déboucher sur un accord approprié, a déclaré M. Merz aux journalistes cités par l'AFP. Tant qu'un cessez-le-feu permanent et un tel accord avec la Russie n'auront pas été atteints, nous ne pourrons fournir aucune précision sur l'ampleur des garanties de sécurité que nous offrirons à l'Ukraine, car nous ignorons encore les conditions, a ajouté le chancelier allemand. Le 7 mai a marqué le début du premier déplacement à l'étranger de Friedrich Merz depuis son entrée en fonction. Pendant sa campagne électorale, il s'était prononcé en faveur du soutien à l'Ukraine et d'un renforcement de la coopération de l'Allemagne avec l'UE et l'OTAN.